que je fasse l'effort. Que j'y mette les formes. Et t'inquiète bébé, tant que t'assumes tes torts. À tes côtés je suis fort. Tant que le bonheur est à notre portée. J'irai pas voir les femmes d'à côté. Vraiment trop fan de ta beauté. J'pense avoir beaucoup de choses à t'apporter. Sur tes gardes, c'est moi le roi comme Simba depuis le début. Sur tes gardes, de moi qui porte depuis que tu m'as déçu. Des jolis garçons, tu es le poison. Des jolis garçons, tu es le poison. Des jolis garçons, tu es le poison. Garçon, tu es le poison. Ça m'est égal. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis pas. Viens ensemble, on esquive les balles. On discute de tout. T'es pas juste bonita. Pas juste bonita. Beauté inégalable. Tu me pètes le crâne quand tu tapes le scandale. Suis-moi dans la red room, sois irresponsable. Demain si tu perds tout, il te reste ton charme. Reste ton charme. Sur tes gardes. C'est moi le roi comme Simba depuis le début. Sur tes gardes. De moi qui porte depuis que m'a déçu. Des jolis garçons, tu es le poison. Des jolis garçons, tu es le poison. Des jolis garçons, tu es le poison. Et des jolis garçons, tu es le poison. Ça m'est égal. Fuis-moi, je te suis pas. Ensemble, on esquive les balles. T'es pas juste bonita.